et après pour se faire plaindre que le joueur la prend mal. Donc je me dis, il y a bien un blaireau pour aller au Hayan, et tu vois, donc ça, moi ça me dérange, c'est pas ça en fait. Ce qui me fait le plus chier, c'est que cette saison on était bien remonté par des actions individuelles et collectives, parce que tout le monde au club avait bien bossé, de Gourvennec aux joueurs en passant par Ramé. Ouais. Ouais. Et je me dis qu'au final, cette histoire, ça décrédibilise tout le monde. C'est malheureux. Alors je vais te croire sur parole, d'accord ? Je vais le faire comme ça. Moi, j'ai eu des sons de cloche de gens du club, mais ça m'étonne que ces gens-là parlent. Ça m'étonne. J'ai, comme toi, me suis amusé un petit peu sur Facebook à gratter pour faire dire certaines choses. C'est étonnant que ces gens-là, qui ne parlent quasiment jamais, se mettent à parler. On a l'impression que le club est conscient qu'ils ont fait une connerie. Sauf que comment ils vont la réparer ? Parce qu'il y a le truc de « Ok, alors là, on met bien la queue entre les jambes et on accepte de dire à Carasso « Ok, tu es numéro 2 ». Dans ce cas-là, je ne sais pas comment on va gérer le cas Prior, parce que Prior, je pense aussi qu'on lui a fait des promesses, notamment qu'on l'a prolongé ça, oui. Jusqu'en 2020. Je vois pas trop dans comment on va gérer le truc, franchement. Ouais, là, c'est parce qu'ils se sont mis dans un merdier. Le problème, c'est que si aujourd'hui le club dit ok, on prolonge Carasso, c'est quoi la prochaine étape ? Parce qu'au final, que le club qui ait eu une animosité, etc., ok, des sons de cloche de supporters rennais il y a 4 mois qui te consistent à te dire que Coustil avait été proposé par son agent à Marseille. Mais le problème, c'est moi j'arrive pas à croire que dans cette histoire ça soit tout blanc d'un côté et tout noir de l'autre. Et ça, c'est ce que je me tue à dire à tous ceux avec qui je parle. Par contre, plus ça va et plus je me dis que le club, c'est 90% de noir et 90% de blanc du côté de Carasso. Non, 10. Et 10% du côté de Carasso, pardon. Si je vous dis à 90% de blanc côté Carasso. Donc, à un moment, moi, c'est ça qui m'énerve. Et le problème, c'est que le club, je vois mal comment ils peuvent maintenant signer Carasso. Parce que ça serait quand même se foutre de la gueule du joueur et de tout le monde au final. Hein. Parce que qu'est-ce qui se passera dans un an ? Dans un an, le joueur, il part. Oui, en fait, t'as entendu ce qu'il a dit quand même samedi soir ? Et moi, ce qui me gêne. Carasso ? Non. Il a dit, je veux vraiment que cette histoire avec Bordeaux se termine et tout, avant de prendre une autre décision. Il attend quoi ? Mais parce qu'il attend, parce qu'il sait très bien que lui, il est en position de force. Mais parce qu'aujourd'hui, il est plus ou moins. Mais non, mais je suis à sa place, il est en position de force. Pourquoi il veut absolument. Moi, c'est ça qui me dérange. C'est pourquoi il veut absolument rester. Pourquoi il y a. Tout est. Pourquoi Carasso essaye de faire en sorte. Parce que lui, il considère. Il veut un truc à la Plasil, peut-être ? Non. Reconversion et tout derrière, il en a parlé un peu. De ce que moi, j'ai compris, Carasso considère que le club n'a pas. A complètement. C'est juste contenté de le dégager. Sans okay. explication, sans rien, sans machin. Pas vouloir s'accrocher okay. à sa place, c'est différent. Pas de soucis, il a été dégagé, le club s'est comporté comme des connards. Moi, je me mets à la place de Carasso, j'ai pas envie de faire un an de plus dans ce club. Que j'adore le club, oui, mais pas avec cette direction. Mais pour les supporters, donc, Marc. Mais c'est pas les supporters qui dirigent, arrête avec ça. Mais c'est pas les supporters qui vont diriger. Mais tu fais quoi ? Il le ferait pour les supporters. Carasso, on sait très bien que s'il n'y avait pas eu cette annonce, il aurait dû terminer sa carrière au Girondins. Et ça, tout le monde est unanime. Peut-être qu'il fait ça aussi, Marc, parce qu'il aime le club et qu'il a pas envie de partir comme ça. Mais je le fais autrement. Ça se passe très très mal avec les boss du club, d'accord ? Il ne peut pas espérer redevenir numéro 1. Je pense que dans la condition actuelle, s'il est numéro 2, il ne jouera pas un seul match, même les matchs de coupe, d'accord ? Non, parce que je suis désolé, vu comment c'est... De France, il jouera... Mais même pas, mais pourquoi ? Mais si jamais il y a... Tu sais quoi, il serait capable de mettre Poussin à sa place ? Non, mais c'est pas ça, mais si vraiment ce que dit Thibaut est juste, moi je suis désolé, ils vont être cohérents avec eux-mêmes, ok, on prolonge, mais tu ne joues pas un match. Je vois pas quel est l'intérêt. Mais qu'a fait Ramé lors de sa dernière année Il a pas joué un match. Il a joué combien de matchs, Ramé ? Aucun. Voilà, non, mais on n'a pas dit contrat. Oui, mais c'est peut-être aussi pour ça qu'il lui en veut. Parce que peut-être que la question a été posée à Carasso de dire est-ce que tu laisses les matchs de coupe à Ramé, et qu'il a dit non. Je connais pas toute l'histoire, et du début à la fin. Moi, j'aimerais c'est bien. Le coach qui décide après. Et encore une fois, bien sûr. Mais bon, après, ouais, tu sais, des fois, t'en as qui ont plus d'influence sur le coach que d'autres. Moi, à un moment, j'aimerais que Ramé il sorte un petit peu de. Il est directeur sportif, il doit parler et donner un petit peu. Il va dire à Genesio si c'est lui qui décide. Il le fait pas, certes, mais c'est mal. C'est tout ce que je dis. Voilà, il le fera pas. Je pense aussi qu'il le fera pas, mais il devrait le faire. Juste, donc, je vois pas l'intérêt aujourd'hui pour Carasso de continuer, ça serait malsain pour lui. Alors aujourd'hui, moi je suis Carasso, je dis ok, vous m'avez fait ça, mais pas de soucis, pas de souci. Par contre, dès que vous allez vous planter, messieurs, je serai là. Et je balance. Par contre, j'ai les joueurs, les supporters derrière moi. Donc, le jour où je vais venir et je vais frapper la porte et je vais dire « Oh, dégagez-moi ça, je veux devenir président du club » et que je serai soutenu par tous les supporters, vous êtes comportés comme des gros cons. Mais rêvez pas, je vais vous la prendre votre place. Mais voilà dans quelle position je me mettrais si j'étais Carasso et si vraiment j'avais rien à me reprocher. C'est pour ça que j'arrive pas à comprendre cette histoire. Je comprends pas dans les deux sens. Mais si Carasso a vraiment rien à se reprocher, mais arrive un moment, mais dans tous les cas, dans, là, à l'heure actuelle, tu peux pas. La seule chose qui pourrait arriver, c'est que t'es suffisamment de choses de ton côté pour dire mais tu sais quoi mon cher Ramé, tu as voulu me casser les couilles mais je vais te casser les couilles jusqu'à que tu sois Nico Attavino te dégage de ton poste de directeur sportif et je prendrai ta place. Mais c'est pas dans cet état d'esprit parce que clairement pour revenir un petit peu sur ce que tu disais, il a quand même des torts Cédric Carasso parce que et moi le premier je le reconnais l'interview qu'il fait en août, où en gros il met clairement la pression sur Prior, il tient des propos quand même assez un petit peu tendancieux sur Prior. Donc du coup ça déjà ça je sais de source assez sûre que ça n'a pas du tout plu non seulement à l'intérieur du club mais aussi à Nicolas Taverneau. Le fait que le club l'avait pas soutenu aussi, il n'y a pas eu une histoire comme ça, c'est sûr. Mais le problème c'est que là il ne fait qu'énoncer des vérités, mais si vous voulez le fait qu'il le dise dans la presse. Ouais, ça passe pas. Voilà, ça passe mal. Donc ça c'est la première étape. Après il y a l'étape 2 où en gros il revient, il est très bon, très performant, bon, très bien. Il se répète à l'entraînement, je crois en novembre, novembre ou décembre, je crois. Ça correspond à peu près à la période où Bordeaux est un petit peu dans le dur. Bon, ensuite il revient, on lui redonne sa place de numéro 1. Très bien, pas de souci. Ensuite il y a cette interview au Canal Football Club juste avant. Mais elle est faite avant le match Bordeaux-Marseille. Oui, elle est faite avant le match Bordeaux-Marseille. Elle est faite aussi dans un contexte où l'entraîneur jusqu'au dirigeant, on avait dit pas de. On ne dit rien avant, machin, etc. etc. Mais le club peut refuser l'interview. En fait, le problème de Carasso, c'est qu'il a toujours été. Il s'est toujours considéré un peu comme. On va dire au-dessus des règles, au-dessus du groupe, et un petit peu électron libre. Et ça, c'est le problème. Et c'est un petit peu la même chose qu'on reprochait un petit peu à Willy Sagnol, c'est-à-dire qu'ils ont le même agent. Et c'est un agent qui en fait un petit peu qu'à sa tête. Alors, voilà. J'allais y venir sur le problème de l'agent. Est-ce que c'est pas aussi problème, derrière Courbis qui pousse Courbis, un peu après, il a ses propres intérêts, mais ce que je veux dire, c'est que sur l'histoire, en gros, c'est quelqu'un voilà qui est un petit peu de par son statut, sa relation avec les supporters, etc. Il en a fait un petit peu aussi ce qu'il voulait. Mais ça va aller dans ce qu'il dit. C'est pour pas justement faire trois allers-retours. Il y a une rumeur aussi qui consiste à dire, je ne sais pas si elle est vraie, j'ai aucun moyen de la vérifier, donc j'emploie bien le mot de rumeur, qui consistait à dire qu'il avait demandé à son agent il avait fait marcher ses relations à Marseille pour que Costil aille à Marseille. Non. La rumeur, elle dit pas que Carasso a demandé à son agent. Moi, je l'ai dans ce sens-là. La rumeur que j'ai, je t'assure. D'accord. Moi, elle est dans le sens que Carasso a demandé à son agent de faire en sorte que ça aille et qu'il a fait marcher ses relations à Marseille pour qu'il prenne Costil. Si ça c'est vrai et que ça vient aux oreilles de la direction de Bordeaux, ça va pas. Maintenant, relation il a encore Carasso à Marseille? Carasso, il était il y a 15 ans à Marseille. Il y en a plus un qui est encore en club. Je suis d'accord. Moi, ce que je comprends pas, c'est que si tout ça était vrai, si vraiment on reprochait tout ça, arrivé un moment, t'es Stéphane Martin, tu portes tes couilles conférence de presse et tu dis Carasso, il est pas content ceci. Cependant, on le garde pas parce qu'il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça et qu'on en a marre. Non, mais au moins, ça sera pas. Par contre, moi, j'ai un truc à demander aux gens. Mais c'est des trucs en interne, mais il a rien. Alors, le problème. Non, tu peux pas envenimer la. Mais c'est pas une question d'envenimer, le mec est plus là. Pas tous en même temps. T'imagines le mouvement, le déferlement des supporters, le contraste entre la direction et les supporters. Non, un club ne peut pas se permettre. Mais soit t'es patron, soit tu l'es pas. Mais non, mais le club, il peut pas se permettre de foutre à tous ses supporters à dos. Surtout dans la politique actuelle, c'est-à-dire que aujourd'hui le mandat qui a été confié à Stéphane Martin, outre le mandat d'assainir les comptes et de faire en sorte que le club soit vendable, on va dire ça comme ça, c'est aussi de renouer un petit peu le contact avec les supporters et ce qui avait été, on va dire, balayé sous Lissagnol. Et donc du coup, et avant d'ailleurs, parce que le stade était vide, etc. Donc le mandat du nouveau président aujourd'hui, c'est de remettre, de faire revenir du monde au stade. Le problème, c'est que ce qui était très bien, c'est-à-dire que ce qui marchait un petit peu, là où le président avait un petit peu cette image fraîche, on va dire, par rapport à Jean-Luc Triaud, c'est qu'il est très bon communicant, il sait parler, il aime bien aussi voilà, déconner un petit peu avec les supporters. Moi, je suis tombé dans son piège, hein, je le dis de suite, hein, quand je l'ai vu au Hayan. Voilà, il est hyper accessible, on discute bien avec lui, il est hyper sympa, etc. Sauf que là, ce qui s'est passé, même s'il n'est peut-être pas directement responsable, mais c'est un premier couac, une première fissure dans cette figure un petit peu de mec hyper sympa, aimant le club, etc., etc. Et ben tu vois que derrière, le mec, waouh, ça ratiboise tout, on sort manteau, on prolonge pas Belé, enfin... Il y a des joueurs, voilà, là c'est en ce moment, c'est en train de dégager, il y a du ménage qui est fait aussi parmi les salariés, il faut le savoir. Donc voilà, on est en train aujourd'hui d'assister à complètement un changement d'air. Ça dépasse le cas de Carasso, pour prolonger un petit peu le débat, mais c'est clairement une page qui est en train de se tourner. Et c'est paradoxal que les gens, je termine là-dessus, c'est paradoxal que les gens soient un petit peu frustrés par tout ça, parce que c'est exactement ce que les gens ont voulu. Les reproches qu'on faisait à Jean-Luc Triaud d'être un peu trop. Ça me rappelle un autre président qui a été élu il y a pas longtemps aussi. Bref. Ouais, voilà, donc du coup. Tu sais, les gens ils veulent le changement, mais quand tu leur amènes le changement, ils gueulent. Bah ouais, mais bon. Ils gueulent, mais voilà, parce que du coup on touche à des figures historiques, voilà. On se comporte pas forcément bien avec elles aussi. Après, il y a des façons de faire. C'est pour ça que ça grince un peu, où on a toujours eu l'habitude de rien savoir, de. Voilà, et que ça se passait toujours très bien, les anciens, on les gérait, mais avec gentillesse, etc. Bon, écoute, voilà, maintenant c'est bien, il faut t'en aller, mais on va te faire les choses bien. Là, non, c'est froid, boum, on dégage, voilà, c'est ça un petit peu qui est en train de... Attends, Marc, qui t'inquiète pas, je vous ai vu, ne vous inquiétez pas, mais non, il est 22h33, on a le temps. Juste, avant de te donner la parole, Marc, je voudrais juste quand même préciser un truc, je sais pas si le club s'en rend compte. Le club a perdu la bataille sur ce dossier-là. Le club a perdu la bataille des supporters. C'est-à-dire que le club, Carasso, alors après, les gens, parce que certains c'est par aveuglement, d'autres parce qu'ils connaissent rien et qu'ils sont bonnets à dire ah, le club, nan, nan. Mais actuellement, Carasso a le soutien du public, des supporters. 90% ou 80% des supporters sont derrière Cédric Carasso. Et ça, pour l'inverser cette tendance, le club s'est mis dans un merdier pour inverser cette tendance, comme disait Marc tout à l'heure, je ne sais pas comment ils vont s'en sortir. Je ne sais pas comment ils vont s'en sortir. La réponse, elle est simple. Je vais te reprendre deux trucs. On a lu Germain ce matin ou cet après-midi. Tu fais venir Germain ou un autre bon joueur, ça sera fini. Non, Mais si. Alors, ça sera fini peut-être pour 40% des supporters. Mais les gens sont pas non plus. Carasso, il va pas te faire devenir champion de France. Une partie des supporters qui aujourd'hui sont touchés sont des supporters qui n'oublient pas. Quand tu vois ce que font les ultramarines, les communiqués qui sortent, la propagande entre guillemets. On a fait ça pour Ramé. Mais parce que Ramé, ça s'est pas passé comme ça. Laisse-moi finir. Mais Ramé est en fin de carrière. Ça s'est bien passé. Ramé est parti faire deux ans. Mais surtout que Ramé a eu un hommage, a eu des fleurs, a eu une entrée pendant le match, etc. Voilà, ça s'est bien passé pour Ramé. C'est différent. Après, moi, j'ai jamais compris pourquoi on allait chercher Carasso quand on avait Ramé et alors qu'on était champion de France et qu'on avait un des meilleurs gardiens de Ligue 1. Mais c'est le même principe que, il fallait penser à l'avenir, etc. Même si, penser à l'avenir et aller chercher un gardien à 8 millions d'euros, j'ai du mal. Penser à l'avenir, c'était un an avant avec Uris. Bref. Bah non, l'avenir, c'est pas une question d'argent, Marc. Non, mais penser à l'avenir, c'est. Si jamais tu dois sortir 8 millions, tu peux attendre un an ou deux ans. Parce que Ramé a eu droit à un hommage, parce que Ramé a eu droit à... Après Non, mais il y a Curieux qui nous dit, pour la fin de Ramé, il n'y avait ni Facebook ni Twitter. Mais on ne se rend pas compte, mais le fait que les réseaux sociaux aussi aient pris une telle importance... Enfin bon, Ramé, c'est 2010, c'est ça ? Oui. La fin de Ramé. Donc il faut pas non plus déconner, les réseaux sociaux ils existaient. Alors moi j'ai développé les réseaux sociaux n'avaient pas autant d'influence que maintenant. Il y a un impact aujourd'hui. Alors juste moi j'ai une question pour toi et après j'ai un avis à donner. Quand tu disais tout à l'heure le club reproche ça à Carasso, c'est des infos que tu as et qui te sont données par des gens de confiance, ou c'est des rumeurs que tu as entendues, ou c'est des trucs balancés par des gens où tu as pas trop confiance en leurs paroles? Bah, tu me connais suffisamment, Marc, pour je balance pas des choses comme ça auxquelles je crois pas. et des choses que j'ai pas vérifiées. Je peux t'embêter un peu ou pas? Je t'enverrai un petit message pour t'embêter. Non, mais c'est rien, c'est une boutade, c'est juste pour t'acquitter. Non, mais bon, voilà, après, il faut il paraît que c'est toi qui as conseillé à Ramé de pas garder Carasso. Non, ça peut pas être vrai. De toute façon, je vais pas rester. Vous n'allez pas rester là pendant 2 heures, mais moi, juste pour vous dire, voilà, j'ai pas la science infuse. Voilà, en général, ce que j'avance. Je suis à 97% sûr que c'est ce qui se passe. Après, je suis pas au courant de tout. Il y a des choses peut-être qu'on m'a pas dites. Il y a des choses qui, voilà, peut-être que Carasso a fait d'autres trucs, etc. Cette histoire de aurait poussé Costil à Marseille, ça, j'en sais rien du tout. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que moi, je critique pas la décision sportive parce que je suis pas compétent. Je pense sincèrement que moi, Carasso en numéro 2, je pense qu'il aurait pu très bien l'être puisque lui-même l'a proposé. Mmh. C'est une question d'argent, voilà, là. Et que quand même, venant de lui, si c'est vrai, non, il a baissé, lui a vraiment il proposé d'être numéro 2. En diminuant son salaire. Voilà, par deux. C'est que en plus avec un salaire 50. Qui allait bien avec ça. Non, je te propose. Vas-y, Thibaut. Moi, je pense sincèrement que ça aurait pu se faire. Après, est-ce que le club va le faire ou pas? S'ils le font, c'est-à-dire qu'ils vont passer pour des balles tringues. Complète. Et alors là, ça veut dire que c'est un autre message qu'on envoie, c'est-à-dire que ce sont les supporters qui dirigent à Bordeaux. Merci. Ça, c'est un autre problème, et c'est ce qu'il va falloir aussi gérer derrière. Merci. Ou alors ils y vont à fond et ils disent non, on fait rien, on laisse comme ça, on ne touche à rien. Et là, par contre, voilà, les ultras vont vous jouer le premier match. La première banderole qui sort, c'est Carasso. Et après un champ pour Costil derrière. Oui, voilà. Vu que je t'ai posé la question, c'était justement pour amener ma remarque suivante. Où tout à l'heure, vous disiez non, le club ils peuvent rien faire. Arrivé un moment, ils ont les ultras à dos, à grand coup de communiqué. Ils ont 80% des gens à dos. Ils ont une lettre de Carasso qui dit que le club l'a maltraité, etc. Arrivé un moment, si les infos que tu, puisque tu dis que tu les as de source, je les ai aussi eu ces infos. C'est ça qui me dérange en fait. Je les ai aussi eu de personnes dont je pensais que c'était pas possible. Enfin moi, il y a quelque chose qui en fait que je des gens comprends qui pas. Ont d'habitude ne. Non, mais c'est pas dans ce sens-là. Mais ce que je veux dire, c'est qu'arrive un moment, je veux bien les entendre ces choses. Mais à ce moment-là, arrive un moment, t'es dans une telle merde. T'as tellement tout le monde à dos que si tu le disais, t'aurais plus personne à dos. C'est ça que je comprends pas. Du moins, t'en aurais beaucoup moins. Oui, mais non, mais ce que je comprends pas, c'est qu'aujourd'hui, quand tu vois à peu près le communiqué des ultramarines, je pense que si tu dis aux ultramarines, allez, j'aimerais même dire, tu le dis pas. Tu le dis pas à la presse. Tu fais venir les ultramarines et tu dis aux ultramarines, on reproche ça à Carasso. Et c'est pour ça qu'on s'est comporté comme ça. Je suis pas sûr que les ultramarines le prendront très bien et l'accepteront. Mais au moins, ils auront eu les deux sons de cloche. Là, aujourd'hui, on a un son de cloche et c'est ça qui m'énerve. C'est-à-dire qu'on entend des bruits. Parce que les bruits que t'as eu, je les ai eu aussi. On entend des bruits. Mais au final, vu que le club ne dit rien, on a tendance à pas les croire, ces bruits. Parce qu'arrive un moment, moi, quand j'entends ces bruits-là, je me dis, mais attends, mais moi, je suis club, mais le problème, je te le règle vite fait. Je vais venir Carasso, les ultras. Oui, voilà. Un journaliste dans la salle, je mets tout le monde autour de la table, j'ai fait, alors, on t'a pas fait l'hommage, en effet, c'est vrai. Tu reproches dans ton communiqué que ceci, que cela, etc. Ok, donc tu veux les raisons, on te les donne. Voilà. C'est ça. Et il n'y aurait pas eu de problème. Sud-Ouest, vous êtes là, vous avez entendu, les ultramarines, vous avez entendu, c'est fini, on peut clore le dossier, ou vous voulez encore qu'on y passe pendant un mois. Là, tu portes tes coups, là, tu prends tes responsabilités. La com du club, on l'a déjà dit, elle est catastrophique. C'est catastrophique, j'en ai marre. Alors, encore un appel au club. Si vous n'avez pas compris qu'à un moment, il va falloir que vous parliez et que vous donniez des raisons valables, parce qu'aujourd'hui, vous n'en avez aucune. J'y suis pour rien, mais il va falloir réfléchir un petit peu à ce que vous faites. Et venez d'Angers. Voilà. Parce qu'au moins on va en parler. J'ai un truc à dire par rapport à ça. Gourvennec, en partant de la conférence de presse vendredi, c'était la dernière, c'est ça? D'avant-match, ça devait être vendredi vu que c'est 48 heures avant. A dit on se reverra en début de semaine prochaine pour discuter de tout ce qui est en train de se passer. Donc attendons mardi, mercredi, peut-être qu'on en saura un petit peu plus. Déjà, si. Il y a aussi des discussions qui sont au sein du club aujourd'hui pour savoir ce qu'on fait la saison prochaine, etc. Et notamment aborder le sujet sur Carasso. Alors, est-ce que c'est le sujet prolongation de contrat en numéro 2 ou pas, ou j'en sais rien, ou autre chose? Je ne sais pas, ça, je peux pas y répondre. Surtout que le club a déjà communiqué sur ça y est, c'est fini, au revoir, merci. Et puis, non, mais il y a un truc qui m'énerve, c'est que. Il y a une discussion, qui aura lieu pour ça. Après, l'échéance immédiate du club, c'est l'arrivée de Benoît Costil dans l'effectif. Oui. Et que voilà, et que je pense qu'il va falloir aussi à un moment donné arrêter de faire un petit peu ce brouhaha autour de Carasso. Mm. Que ça se règle ou pas en privé, ça c'est leurs histoires. Mais aujourd'hui, il y a un gardien qui arrive et je pense qu'il faut le mettre dans les meilleures conditions. Après, moi, j'accuse d'autres personnes. Et je donne la parole à Thomas qui l'a voulu tout à l'heure. J'accuse d'autres personnes. C'est les Adam Ounas. C'est les médias. Parce que les infos que nous, on a, que Thibaut a, me faisons... On va pas... Oui, non, t'as pas tout, je pense que j'ai pas tout non plus. Une partie des infos qu'on a. Je pense qu'il m'en manque, mais tu vois, là, même ce qu'on a dit, tu vois, je veux dire, c'est pas secret d'État. Je l'ai lu 40 fois sur Twitter. Ah non, mais je parle pas de ça. Non, mais voilà, non, mais tu vois, moi, je les ai. Non, mais je sais. De ce que je peux vous dire aussi. Non, c'est pas ce que je veux dire, mais ce que tu nous dis, on a. Ça se lit, je l'ai lu, je pense, 40 fois sur Twitter, en peu de temps. À peu près tout le monde a. Disons que même si c'est pas une info, elle est tellement devenue tweetée et retweetée que ça en est devenu une. D'accord ? Donc, moi, arrive un moment, j'ai un truc que j'aimerais qu'on m'explique. C'est que Sud-Ouest a fait une interview de Stéphane Martin. Alors, ou alors Sud-Ouest a pas trop le courage de faire un. Ou est en copinage. De vouloir faire un boulot de journaliste et a peur d'être blacklisté au Hayan. Peut-être, mais arrive un moment. Ah, ne me lance pas sur Sud-Ouest. Non, non mais où que... arrive un moment. Non, tu vois, je sais pas. Franchement, je sais pas. Mais arrive un moment. Je suis Sud-Ouest. Je fais bonjour, Monsieur Martin. Soi-disant que le club reprocherait ça. Vous validez ou vous validez pas? Parce qu'on comprend pas. Ce que je viens de dire il y a 5 minutes. Pourquoi les journalistes en conférence de presse n'ont pas le courage de poser des vraies questions plutôt que de demander 40 fois à Courvenès qui pense des incidents à Bastia, de machin, de ce qu'il va faire pendant ses vacances et de ce qu'il compte se reposer ou pas? Ou est-ce qu'il va regarder? Parce que je pense que la question a dû être posée. Vous allez regarder le résultat entre Paris et Angers? Ben non, connard, il va pas le regarder, il s'en fout. Donc il verra ça en juin. Pour terminer, parce que je vais vous laisser, je vous laisse débattre. Mais là, la question que tu soulèves, elle est bonne. Et on pousse en fait aux limites entre le journaliste qui vient pour faire son métier, c'est-à-dire d'investigation, chercher des réponses et tout, et le journaliste qui se contente minimum des questions. Et d'ailleurs, c'est toujours les mêmes journalistes qui posent les questions. Jamais en général les journalistes, on va dire, de la presse nationale, toujours local, voire très local avec Gold. Mais sinon, voilà. Et eux qui ont aussi des intérêts en disant, voilà, on ne peut pas poser trop de questions qui dérangent parce que derrière, il faut qu'on assure nos interviews. C'est ça. Il ne faut pas que le club nous bloque tel ou tel joueur parce que s'il nous bloque tel ou tel joueur, on ne peut pas écrire de papier. Voilà, on est là-dedans en fait. Il faudrait peut-être un média indépendant qui pose des questions, qui n'a pas besoin de. Gironde Analyse, par exemple. Peut-être, mais le problème, vous savez très bien que c'est un sujet sensible. Ah, bah oui. Mais bon, voilà, moi je suis d'accord avec ça. Je pense clairement qu'il y a des non-dits, il y a des choses, et tant que ça ne sera pas dit, les ultras. Alors, peut-être que les ultras aussi ont rencontré, je ne sais pas, ils ont certainement, pour avoir tout ça, rencontré les dirigeants et on leur a peut-être dit des choses, et que voilà, et que les explications qu'on leur donne, manifestement, ne sont pas à la hauteur de ce qu'ils pensent. Donc oui, alors il y a des choses qui sortent qui sont pas dites, donc voilà. Donc bon, moi je pense qu'on a fait j'ai fait le tour en tout cas pour ma part sur Carasso. Voilà, donc triste quand même de voir aussi pas mal de joueurs partir, Belé notamment, voilà, Manto aussi qui est entraîneur des gardiens qu'on avait reçu à l'époque avec Alain Bénédé. Ouais. Donc voilà, ça fait toujours un peu mal au cœur de voir des gens comme ça partir, des gens qui sont humainement et sportivement bien, bien sympathiques. Avec nous, après. Toujours un problème. Ouais. Après, bon. Moi, j'aurais... Non, mais même, quand tu. Voilà, je parle de Franck Manto, quand je vais souvent en ayant, on discutait souvent, etc. Donc, il n'y a pas de. Je veux dire, c'est pas quelqu'un de faux, je veux dire, voilà. Donc, voilà. Mais. Maintenant, comme je disais tout à l'heure, c'est un changement de cycle aussi. C'est beaucoup plus brutal que sous Jean Lutriot, mais c'est le paradoxe. C'est-à-dire que Jean Lutriot, on le reprochait trop à pas, et qu'on voulait un petit peu que ça dégage plus vite. Là, ça dégage plus vite et on leur dit qu'ils sont trop brutaux. Donc, bon, il faut. Je pense qu'il faut trouver un juste équilibre. Voilà. On va peut-être passer trop vite d'un extrême à l'autre. Ouais. Bon, mais messieurs, je vais vous laisser. Merci ça marche. D'avoir accordé du temps. Merci Thibaut. Mais t'inquiète, tu vas pouvoir la poser la question. Non, attends. Excuse-moi, Thibaut. Ouais. Ouais, excuse-moi, j'avais une dernière question, vu que je pense que voilà, t'as l'air assez renseigné vis-à-vis du club. Tu penses que ça pourrait arriver un retournement de situation sur le cas Carasso? Honnêtement, je sais pas. Je vois mal le club faire un retournement à 360 30 degrés. Si c'est le cas, le communiqué, il peut être magique. Hein, parce que les mecs, ils ont fait une vidéo, ça. Bah, on sait jamais. Moi, je pose juste la question parce que c'était vachement étonné. Question, hein. C'est une question, que je me pose aussi. Mais honnêtement, je vois mal comment le club pourrait faire. Alors après, il y a toujours des pirouettes. Tu sais, tu peux toujours trouver des trucs en disant « Ah oui, mais au final... » Donc vous avez pas dit c'était pour l'année prochaine, en fait, le départ. On avait oublié de mettre saison 2017-2018. Voilà. Non. On pensait qu'il méritait un an d'hommage, vous avez pas dit. Je pense que c'est vraiment dans l'échelle des priorités aujourd'hui, je pense que c'est vraiment pas la priorité. Oui, c'est bon. J'y crois pas. Voilà. Et puis ça veut dire qu'il faudra trouver un club quand même de au moins en prêt de un an a priori pour que ça soit possible. Et puis voilà, derrière, si encore il y avait Carasso à gérer, mais il y a prior et il y a Bernardo. Comment ça va gronder, comment l'image de la direction bordelaise. Mais t'imagines les pouvoirs que tu donnes au gars. Et puis même, tu passes pour une pipe aux yeux du football. Les enfants, aux yeux du football français, tu passeras pour un baltringue. Tu passeras. Je sais pas si ça s'est vu dans l'histoire. Un club qui annonce un joueur sur le départ et puis qui finalement. Oh bah non, finalement. Ah bah ouais, qui officialise son départ, qui lui fait une vidéo, un texte et tout, et qui une semaine après dit bah finalement on va le garder. Vraiment, vous faites de la fiction là. Ouais, non, on sait pas, mais bon, bref. Bon, ouais, non, avec les ultras, tout est possible. Ce que j'ai pas compris, c'est que tu sais, ils se défendent en disant oui, mais le communiqué, on attendait la fin de saison pour faire tous les joueurs, etc. Et pourquoi ils ont pas mis sur le communiqué, tu sais qu'ils ont fait, c'est la fin, etc. Un communiqué dommage sera prévu la semaine prochaine, et puis c'était fini, quoi. Rien que ça, tu as répondu à la question en posant ta question. C'est-à-dire que, en gros. Pourquoi ils n'ont pas fait ? Parce que tout simplement parce que le communiqué il est sorti comme ça et que voilà et que on n'a pas réfléchi. On dit après on fera, mais parce que la saison n'était pas terminée, mais c'est pour ça que c'est fausse excuse. Je pense que le communiqué il était déjà prêt et qu'on l'a balancé comme ça, voilà, en se disant bon, on officialisera tout ça à la fin de saison, sauf qu'ils ont c'est de la mauvaise com parce que tu prévois pas que derrière ça va faire tout un tollé et tu sais. T'aurais fait ça pour Abdou Traoré ? Franchement, personne aurait branché. C'est méchant pour lui, mais il a joué 90 matchs en 10 ans. Bon, je veux dire, c'est... Voilà. 114 matchs. Tu parles d'un mec qui a quand même 314 matchs, 8 saisons au club, qui t'a apporté je sais pas combien de points, qui t'a qualifié en Coupe d'Europe, qui t'a sauvé les fesses d'une relégation. Enfin, tu parles pas de n'importe qui, quoi. Mmh. Et donc voilà, et ça, ils l'ont pas prévu. C'est vrai qu'ils auraient voulu plus mal s'y prendre, ils auraient pas fait autrement. C'est vraiment comment tout faire pour foirer un dossier. Bref. Je pense que vendredi, pour ma part, je serai pas là, mais je pense que vendredi, on aura encore une suite de cet épisode, malheureusement. Bah, s'il y a des nouvelles d'ici vendredi, on en reparlera. S'il y en a pas, on verra. On va voir. Parce que là, on a été pour le coup très complet. Merci beaucoup, merci beaucoup, mon Thibaut. Et puis, tu le sais, ici c'est la maison, donc tu reviens quand tu veux. Ouais, je vais passer vous faire un petit coup. Et on va t'offrir des fleurs. On fera un barbecue. Ah, vous me ferez un hommage ? On te fera un hommage. Ouais, parce que tu l'as pas eu au final. Parce que quand on s'est quitté, on s'est pas quitté en très bon terme, forcément, sur le moment, parce que tout le monde était un petit peu énervé. Ah, bizarrement. Donc, t'as pas fait ton hommage à toi non plus. On te fera un hommage saucisse grillée, ventrèche. Il y a un point commun entre Thibaut et Carlos. Ouais, une bonne baguette, une bonne ventrèche, ça ira. Nickel. En plus, ça nous coûtera pas trop cher. Merci, Thibaut. Pas un zéro plus sur la feuille de paye. Ouais. Ça nous coûtera pas très cher. Enfin, il mange aussi, Thibaut, quand même. Beaucoup moins. Ouais, normal. Non, allez, bonne ciao Thibaut, merci. Bonne soirée, bisous, merci. Bisous, mon gros, ciao. À messieurs, voilà, je crois que là, alors pour le coup, les gens qui pourraient encore nous dire ouais, vous parlez pas été Carasso, on a fait une heure lundi, on a fait 45 minutes vendredi, on a refait quasiment 45 minutes là-dessus. En plus, on a été très complet, je pense, bien plus que les fois d'avant. Ouais. Donc, arrêtez, j'ai faim, nous dit Emmerich. T'inquiète, Rico, il reste 10 minutes, c'est les 10 minutes prévues pour pourquoi ? Parce que mine de rien, on a réussi à caser. On n'a pas parlé de Lorient. Ah bah tu vois la vache. Ça, c'est le match, on n'en aura parlé ni avant match, ni après match. Bon, très simplement, rapidement, 2 minutes sur Lorient. Honnêtement, on mérite pas mieux. De toute façon, Marseille a gagné, donc c'est mort. On était réglé. Et puis voilà, et puis c'était nul. Et puis on a tapé que 2 fois au but. Grosso modo, on a tous vu la même chose. Ouais. Si, coup de gueule quand même, parce que le match était sur Foot Plus. Alors, par miracle, j'ai découvert à 20h57 que j'avais Foot Plus, tu vois. Non, c'était quand même scandaleux, quoi. C'était quand même une honte. Les gens qui n'ont pas Canal Plus, ils n'ont pas pu voir le match, quoi. C'est quand même assez. Bref. Non, par contre, tu veux que je te dise le petit truc du match ? C'est que quand je vois le but qu'on prend, je me dis que Carasso, par contre, sportivement, je suis content qu'il soit plus là. Oui, non, mais tu vas pas juger sur aussi un but parce que t'es content de l'arrêt qu'il fait deux secondes avant, t'es content de l'arrêt qu'il fait contre Dijon. Il bouge pas le pied, le mec lui tire sur le ballon. Arrête, Marc, arrête. Ça, tu fais ce que moi j'aime pas, c'est-à-dire tu juges un mec sur un ballon. Non, alors t'as pas dit la même chose à Dijon quand il a sorti 400 arrêts dans le match, t'as pas dit la même chose contre. Seb, faut arrêter aussi. Depuis 8-9 mois, je vous dis que je trouve que Carrasco n'est plus impérial. Quand il a fait le match au Dijon et qu'il a fallu lui mettre 8 sur 10, je l'ai fait sans aucun souci et aucun remords. Il n'est pas invincible. Hein. Mais je considère que sur sa ligne, il fait des erreurs. Il est comme bon sur Oui, mais là, je trouve qu'il fait des erreurs. Typiquement, il est dans un angle fermé. C'est pas qu'il ferme pas l'angle, c'est que quand l'autre tire, il se baisse. Je comprends pas le délire. Il est quasiment par terre. Dégagement au pied, je trouve que ça manque par moment. Après, peut-être il anticipe une frappe croisée au sol, j'en sais rien. Ouais, mais il anticipe mal. Et voilà, c'est tout. Et Carrasco, avant qu'il y ait tout ce bordel, je vous disais déjà que pour moi, je le prolongeais pas. Je suis cohérent à ce que je vous dis. Et ce but-là, même s'il fait l'arrêt, qui pour moi, et j'en ai souvent débattu avec même Thibaut, c'est con qu'il soit plus là. Ou un jour il a fait formidable arrêt et que je me suis foutu de sa tronche sur Twitter gentiment. Arrive un moment, moi, les arrêts de gardien réflexe, quand le ballon est sur le gardien, j'ai du mal à comprendre en quoi c'est un bel arrêt. C'est réflexe parce que ça arrive vite, ça lui tape dessus, etc. Mais il fait rien en fait, le gardien. Tous ces arrêts-là, et il y en a plein dans les résumés de la LFP, à chaque fois je comprends pas où il est beau l'arrêt. Oui, c'est voilà. Souvent des fois tu vois le mec, oh, fort belle parade. Oui, enfin il lui met dessus, Cardinal voilà. Notamment cette année, on a eu un paquet à faire comme ça. Bref, allez, messieurs, 22h51, c'est l'heure de vous parler des GA Awards. Ouais. Alors, je vais mettre le son assez fort parce que la qualité du jingle est quand même pas démente. J'espère. T'as oublié quand même de parler d'un excellent joueur. De qui ? De quoi tu parles, Nato ? Moi, je comprends pas. Ouais, c'est clair, personne ne comprend de quoi tu Younes. Parles. On en a parlé, mais faut arrêter de dormir. Non, il a raison, on en a pas parlé. Si, on a dit qu'il avait même le droit à une catégorie dans. Oui, mais pourquoi tu veux qu'on en parle ? Il est pas ni prolongé, bah, ni. Je croyais que tu voulais en parler. Ah non ? Non. Ah non, non, non, non, il aura sa catégorie. Non. Bah non, parce qu'officiellement, on ne sait pas. Donc, on en parlera quand ça sera officiel, mais là, on ne sait pas. Donc, bref, messieurs, c'est donc l'heure du retour pour la deuxième année consécutive des GA Awards. Jingle, et on vous explique tout. Alors, magnifique générique. Et Liquido à l'accordéon, mon gars, ça. C'est une autre dimension. Tête. On la garde ? Alors, les GA Awards, je vais baisser un petit peu la petite musique. C'est du suicide auditif, là. Ah ouais, t'as vu ça ? C'est. Alors, les GA Awards, on rappelle. Je vais. Non, mais c'est. T'as vu ? C'est techno. Tête. Tu vas sur YouTube, tu tapes Liquido accordéon. Au début, je voulais en prendre un à la flûte aussi. Magnifique, mon gars. Le gars, il joue à la flûte. Tu. Mais c'était moins drôle. Écoute ça, t'as envie de faire fuir tous les auditeurs qui nous restent, c'est ça. Ta-da-da. Bref, alors, bon, je vais le couper parce que c'est. Faudra que je trouve une petite musique de fond pour les GA Awards. Alors, les GA Awards, c'est quoi ? C'est nos récompenses à nous de l'équipe GA, mais de façon décalée et surtout très deuxième, troisième, quatrième, cinquième, dixième degré. Ce n'est en aucun cas sérieux, c'est juste pour se marrer entre nous en fin de saison et pour se marrer un petit peu avec les gens qui nous écoutent et qui vont aller voter pour les différentes rubriques. On l'avait fait l'année dernière, la première édition, suite à cette saison mémorable des Girondins. On s'est dit cette année, on va retenter le coup. Alors, il y avait 7 catégories la saison dernière. Il y en a toujours 7. Cette année, on en a conservé 4. 4 anciennes de l'année dernière et 3 qu'on a enlevées parce qu'elles étaient plus d'actualité, on les a remplacées par des nouvelles rubriques. Vous avez donc la première, alors je vous donne pas le nom des nommés, je vous donne que les noms des catégories et puis ce à quoi elles correspondent. On a gardé le Awards de la bandelette oubliée. La bandelette oubliée, c'est quoi ? Thomas et Alexis, puisque c'est vos premiers GA Awards. Vas-y. C'est le joueur, c'est très simple, hein, ça veut dire ce que ça veut dire, c'est le joueur qui a le plus côtoyé le toubib, il a plus côtoyé le médecin que le coach ou ses collègues. En gros, le joueur qui, malheureusement, est resté le plus de temps avec la jambe dans le plâtre. Donc, les nommés, c'est pas très compliqué à deviner qui c'est. On vous mettra tout ça sur le site. Donc ça, c'est la première catégorie. La deuxième catégorie, elle concerne l'exilé anonyme. L'exilé anonyme, c'est quoi ? Bah, c'est le joueur prêté dont on a complètement oublié l'existence et qui appartenait encore au Girondins de Bordeaux. Donc, pareil, la liste, elle est très rapide, vous verrez, c'est très simple. Alors celle-là. Celle-là, je crois que c'est ma préférée. C'est Marc qui a inventé cette rubrique vendredi dans l'émission. Par inadvertance. Par inadvertance, il a même pas fait exprès. Pendant qu'on était avec Elisa Launay, on discutait avec Elisa Launay. Oui. Et à un moment donné, sa langue fourche. Et au lieu de dire contrat pro, il dit contrat plo. Et là, dans ma tête, ça a fait tilt. J'ai dit, il faut mettre ça en rubrique. Va signer le contrat plo. Donc, non. Le contrat plo pour les joueurs de cette saison. Alors, c'est pas un mauvais joueur. Hein, on n'élit pas le plus mauvais joueur, mais c'est juste que c'est le mec qui n'a pas ou très peu joué. Et pareil, quand vous verrez les nommés, vous verrez qu'il y en a 5-6 pour qui la saison elle a été très très longue. C'est pas forcément des mauvais mecs, c'est juste ils n'ont pas joué. Alors, on a ensuite le classique qu'on avait l'année dernière qui revient, c'est le match open bar. Ça veut dire ce que ça veut dire, hein, le match open bar, c'est des 3-1, des 4-0, des 4-1, des 4-0. Cette année, on en a trouvé 4-5 aussi. Donc, ça sera à vous de décider lequel vous a le plus traumatisé. Un nouveau awards qui fait son apparition dans la compétition, c'est la surprise du chef. La surprise du chef, pareil, ça veut dire ce que ça veut dire. Le gars dont on n'attendait pas ou plus grand-chose et qui finalement s'en est bien sorti. Je pense par exemple à Contento, Toulalan qui fait un début de saison un peu compliqué, sans carré. Ounas, pas de... Il y est plus parce qu'il finit bien. Il finit sur 3 matchs. Hein. Oui, moi, je te parle sur au moins une demi-saison. Mais même avec la mentalité, écoute comment il parle. Non, mais Gajic, par exemple, qui a plutôt été performant à chaque fois qu'il. Enfin, il y en a quelques-uns, vous verrez, on les vêtera. On va vous expliquer tout ça dans quelques secondes. Le match open bar, je l'ai dit. Les deux dernières catégories, ça concerne des déclarations. C'est des catégories qu'on avait l'année dernière. Le micro d'or. C'est la déclaration d'un joueur, d'un membre du staff ou d'un des dirigeants du club, donc celle-là, uniquement qui concerne les Girondins de Bordeaux. On a plus galéré pour en trouver que l'année dernière, où là, pour le coup, c'était un feu d'artifice. On a un petit peu galéré, mais on en a trouvé quand même quelques-unes, surtout en début de saison, qui sont assez, assez sympas. Et la dernière catégorie, c'est l'analyse en carton. En deux mots, hein, l'analyse en carton. C'est la déclaration, cette fois-ci, mais d'un journaliste ou d'un consultant foot sur les Girondins de Bordeaux. Donc on va taper dans du l'équipe RMC, Canal, beIN, tout ce que vous voulez, Girondins TV, on va taper très large et sur tout le monde, il y en aura pour tout le monde, vous inquiétez pas. On va en sélectionner quelques-unes, ça sera à vous de... Parce qu'il y en a eu aussi quelques-unes sympathiques, notamment une dans France Football que j'ai trouvé cet après-midi, vous verrez. On peut dire que ces gens-là étaient des visionnaires. Pas forcément dans le bon sens du terme. Donc comment ça va se passer? Très clairement, à partir de demain, l'ami Rico mettra régulièrement les postes pour que vous puissiez aller voter. La durée du vote, ça va au moins être la semaine complète. On verra suivant où on en est vendredi au niveau des votes. Est-ce qu'on prolonge jusqu'à lundi ou est-ce que ça dépendra. L'année dernière, on avait atteint les 400 votes par rubrique. Donc, on espère être dans la même moyenne. Voilà, donc suivez bien les brèves sur G33. De toute façon, si vous avez l'appli, c'est ça, Marc, il y a des petites notifications? Ouais. Voilà. Sauf sur web, sur le mobile, je crois qu'il ne marche plus. Sur G3. Ah, si, moi j'en reçois toujours. Non, sur Windows Phone. Ah, oui, d'accord. Voilà, si vous allez sur le site tous les jours à partir de demain, vous aurez les catégories avec à chaque fois le nom des nominés ou des matchs nominés ou des déclarations nominées. Et avec à chaque fois, vous verrez, il y aura des petites annotations à côté. On vous reprécisera le contexte, on vous reprécisera qui a dit quoi, quand, enfin voilà. Vous pourrez voter, vous aurez une semaine, 10 jours pour voter et on donnera les résultats là, très prochainement, semaine prochaine, je pense, ou les grands max d'ici une dizaine de jours. Voilà, c'est fait pour se défouler plus qu'autre chose, c'est pas méchant, pas souvent, pas toujours, on va dire. C'est plus pour nous, pour rigoler entre nous de ce qui a pu se passer cette saison, même si dans l'ensemble on est quand même plutôt satisfait. Voilà, qu'est-ce que j'ai oublié d'autre? Rien. Si, quand même, avant de se quitter, parce que quand on se reverra vendredi et on en parlera dans l'émission, je disais, Rico nous appellera d'ailleurs vendredi dans l'émission, sachez que. On parlera forcément des féminines. Vous allez me dire, on en a parlé vendredi avec Elisa Launay. Oui, mais parce qu'elles jouent jeudi, les filles, à Paris. Et donc, nous saurons vendredi si elles sont maintenues en première division ou si elles descendent en deuxième division. On rappelle le principe, pour qu'elles se maintiennent, il faut que dans un premier temps, Saint-Étienne ne gagne pas à Guingamp. C'est-à-dire que si Saint-Étienne fait match nul à Guingamp, elles doivent battre absolument le Paris Saint-Germain. Si Saint-Étienne perd à Guingamp, elles peuvent se contenter d'un match nul. Sachant que, Alexis, tu nous l'as précisé cet après-midi, le coach du Paris Saint-Germain, c'est même pas la B qui va mettre, c'est la DEFZ, parce que le PSG féminin, qui a perdu la finale de la Coupe de France, c'était vendredi, pendant qu'on avait Elisa Launay dans cette émission, au Pénau face à Lyon, joue la finale de Ligue des Champions face à l'Olympique Lyonnais. Donc je pense qu'ils ont le match de Bordeaux, ils s'en carrent complètement. Donc si Guingamp avait la bonne idée de battre Saint-Etienne et que nous on pouvait aller au moins prendre un point à Paris, ça serait pas dégueu. Rico a bien retranscrit ce qu'a dit Patrice Lair d'ailleurs. Oui, ah bah tiens, j'ai la, je l'ai la décla. J'aimerais bien que Bordeaux reste en D1. Donc Patrice Lair, on le précise, hein, c'est l'entraîneur du PSG. Oui. Qui dit j'aimerais bien que Bordeaux reste en D1. C'est un nom qui veut dire quelque chose. Voilà, donc il dit je sais bien qu'il faut un champion des équipes qui descendent, mais les clubs pro comme les Girondins, j'aimerais bien que ce club reste en D1. Le problème c'est que Saint-Etienne ça marche aussi. Je vais faire tourner car certaines joueuses sont un peu fatiguées et la finale de Ligue des Champions arrive très vite. Je veux qu'on soit le mieux possible physiquement pour ce match. Donc voilà, il dit quand même on va pas lâcher le match, mais ne vous inquiétez pas. Mais bon, avec un match nul, Bordeaux peut peut-être se sauver. Donc en gros, le mec, l'entraîneur, le coach lui-même de Paris te dit que bon, ils feront peut-être et pas tout pour nous mettre une tannée. C'est un peu limite quand même. Hein. Bon, en même temps, moi, je suis Saint-Etienne, je suis vexé. Hein. C'est limite ouais. Peut-être moralement, mais après c'est pas tant que c'est pas interdit ce qu'il fait. Moi, c'est pas plus vois, limite que Saint-Etienne. C'est pas plus limite que Saint-Etienne qui va en touriste sur les 4 derniers matchs de la saison et en prendre 3 à Nancy et qui, tu vois ce que je veux dire. Bon, tu, ça a pas aidé vois, parce que Nancy est quand même descendu. Jean Bordelais, lui, au moins il est honnête. Non mais il te dit, on va envoyer des pipes. Ça peut se comprendre, c'est limite, mais ça peut se comprendre. Paris ne joue plus rien en championnat, ils ont une finale de Ligue des Champions à jouer. C'est extraordinaire qu'un coach se permette de dire ça. Enfin, c'est... Bah, ça change de la langue de bois, moi, franchement. Oui, écoute, c'est plutôt pas mal. Écoute, hein, ça sort de l'ordinaire. Hein. Voilà. Moi, franchement, ça me... En plus, le mec le dit, franchement, j'aimerais bien que Bordeaux reste en D1. C'est jamais évident. Il y a Saint-Etienne aussi, MS, qui est condamné. Ça me gêne toujours, car j'ai un énorme respect par rapport à mes collègues. Et voilà, c'est après. Ce qui me fait sourire, moi, c'est. Et il a raison sur le fait, c'est quand il dit Bordeaux, c'est une marque et ça parle aux gens. Quand évidemment. Quand il dit Bordeaux PSG, bah, ça parle aux gens. Toujours plus que Juvisy, ou sans vouloir être méchant avec la ville de Juvisy. Mais... Bah, au-delà du foot, quand même, Bordeaux-Paris, ça parle. C'est... Voilà. C'est quand même deux villes assez rivales. Voilà. Je vois et que ça vous. Marc GB qui nous dit je suis le frère aîné de Marc GA. Je trouve ça vachement drôle. Tu l'as pas vu ça, Marc ? Sur le chat, il y a un gars, son pseudo c'est Marc GB. Et lui dit, je suis le frère aîné de Marc Géa. J'aime beaucoup. Je ne sais pas qui tu es, Marc GB, mais j'aime bien. Je suis désolé pour toi. Alors. déjà, avec un, c'était galère. Putain, alors avec deux. Putain, j'ai plein mes parents. Bien, messieurs, on va se quitter là-dessus. On reviendra nous vendredi. Alors, le programme, on va se le faire tranquillement dans la semaine. On n'a pas encore décidé. On parlera des féminines. On parlera évidemment si d'autres annonces sont faites d'ici là, que ce soit pour Costil ou pour d'autres joueurs. Ou pour Younes. Ou pour Kabouni ou pour n'importe qui, on en parlera évidemment. On fera un point sur les GA Awards, où en sont les votes. Et puis si on a le temps, on développera un peu les catégories. Voilà. À savoir qu'on prépare aussi une ou deux émissions avec des invités d'ici la fin de saison, notamment une émission pour expliquer ce qui va se passer le 10 juin à l'Escure. La saga des Ultras, on aura normalement quelqu'un du groupe qui viendra dans l'émission pour vous expliquer exactement comment ça va se passer, qu'est-ce que vous pourrez trouver, y faire, pas, voilà, comment faudra vous y prendre tout ça. Voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre aussi, Marc, en préparation, je sais plus. Pour l'instant, on ne sait pas, on n'a pas eu les réponses. Ah oui, on a lancé des invitations, on attend les réponses, donc dès qu'on a tout ça, on vous tient au courant. Allez, messieurs, les phrases de fin pour terminer. Qui veut se lancer, Thomas ? Impossible n'est pas Ménez. Ah, c'est bien ça, j'aime bien. Ça change. Impossible n'est pas Ménez. Bah oui, parce qu'avant il disait impossible n'est pas je sais pas quoi. Ounas. Je sais pas quoi. Non, c'était pas ça, c'était Ounas. Ouais. Il a changé. Il sent que le vent est en train de tourner là, tu vois. Et... Ouais. Ah écoute, il y en a un qui s'est relevé, et espérons que le deuxième sera. Ah, tu crois que tu portes chance, c'est ça ? Non. Alexis. Clarifions les choses. Bonne soirée. Voilà. J'aimerais être petite souris et dans tous les dossiers du Hayan. Et eh ben moi j'aimerais. Non, moi j'aimerais pas être une petite souris parce que j'aurais trop peur des tapettes. Alors pour le CSA, c'est une blague. Nous ne sommes pas homophobes. Cyril Alula. Ouais, non, mais ça y est, mon gars, tu peux plus rien. Bref, non, ce n'est pas une blague homophobe. C'est juste que j'ai peur des tapettes à souris. Allez, pour ma part, ça sera comme d'habitude. Girondin, c'est pour toi que tu joues, mais c'est Bordeaux que tu représentes. Merci de nous avoir suivis. Merci. D'être fidèle, merci à Johan qui nous a appelé en première heure, merci à Thibaut qui a intervenu avec nous en seconde. On vous souhaite une bonne semaine et on se retrouve vendredi 21h-23h sur RIG90.7FM, RIGFM.fr, juste après nos potes devant le match, 19h30-21h. Bonne semaine, bonne soirée et allez Bordeaux!